Ok. Ok. Je me rappelle, je faisais mes sous. J'quêtais, j'étais sous. J'fumais mon perso. J'préparais mes cartouches. J'voulais être partout. Un peu comme partouche. Mais c'est Dieu qui donne. Tant de mes on perd tout. Et j'oublie pas, moi, que j'suis parti de rien. J'touchais zéro par mois. Ouais, j'ai galéré. J'étais qu'un sale môme. J'avais pas les mots. Maintenant, on fait des albums. J'ai rendu fier maman. J'espère maintenant que t'as grandi. Que tu cantines, plus que t'as compris, que la vie c'est pas gentil, le frérot s'est repenti, il s'est rangé, c'est plus un bandit, non il a changé, j'espère maintenant que t'as grandi, tu cantines, plus que t'as compris, que la vie c'est pas gentil, le frérot s'est repenti, il s'est rangé, c'est plus un bandit, non il a changé, ok j'ai toujours la dalle, comme nous c'est fatal. Nous on n'aime pas parler, toi t'es là, tu t'étales. Au quartier c'est la débrouille, un deck à la fouille. Et à la douane il est passé 10 000 dans les couilles. J'étais en bas d'un tour juste à côté de la pharmacie. Et même autour du monde j'étais toujours en autarcie. Là je suis avec Blanc, Aziz et Bebeto. On regarde Netflix, Al Pacino, De Niro. J'espère maintenant que t'as grandi. Tu cantines, plus que t'as compris, que la vie c'est pas gentil, le frérot s'est repenti, il s'est rangé, c'est plus un bandit, non il a changé, j'espère maintenant que t'as grandi, tu cantines, plus que t'as compris, que la vie c'est pas gentil, le frérot s'est repenti, il s'est rangé, c'est plus un bandit, non il a changé. Ok. J'espère maintenant t'as grandi. Oh, t'as grandi. J'espère maintenant que t'as grandi. Que t'as changé. T'as compris. Tu t'es rangé. Ok. Mais d'abord.